comme dans les yeux. La pluie mouille ma peau, j'ai froid dans l'eau. Le tonnerre gronde, que je réponds. Que je dise pourquoi pour moi tout s'effondre. Je voudrais revoir ses yeux. Son regard si merveilleux. Je voudrais revoir ses lèvres. Sourire malicieux, son visage si radieux, et son corps désireux, assis sous un ciel qui cache son jeu. Je me sens un peu joueur, oui, juste un peu. Des envies me ranient, je me sens heureux. À celle que j'aime, et le tonnerre gronde que je réponds, que je dise pourquoi mon cœur résonne. Juste au fond de toi, au plus profond de toi, bébé, juste au fond de toi, au plus profond. Juste au fond de toi, au plus profond de toi, bébé. Juste un peu. Des larmes viennent aux yeux comme nous.